Alors, cette présentation s'inscrit dans le cadre de recherche que je mène depuis quelques années sur femmes et citoyenneté dans les Antilles françaises au XXe siècle, notamment le regroupement des femmes dans des associations, leur visibilité dans la sphère publique et les revendications pour le droit de vote dans la première moitié du XXe siècle. Ma présentation s'intitule donc « Discours public sur la place des femmes antillaises entre rôle traditionnel et nouvelles aspirations » début XXe siècle. J'ai donc analysé les discours prononcés lors des distributions de prix dans l'enseignement secondaire féminin en Guadeloupe et en Martinique afin de mesurer l'écart entre le discours majoritaire, discours officiel, sur la place des femmes dans la société antillaise et les revendications émergentes émanant notamment d'un groupe de femmes. Plusieurs questions me sont venues donc à l'esprit. Comment les hommes concevaient-ils le rôle des femmes antillaises dans les premières décennies du XXe siècle et comment les femmes se sont appropriées cette vision tout en l'innovant? Enfin, comment les femmes composaient-elles avec leur rôle de mère, d'épouse, de bonne ménagère et des revendications plus politiques? Les deux premières décennies du XXe siècle virent l'émergence dans la sphère dans la presse de discours sur les femmes qui, en dehors des considérations esthétiques et morales, débattirent de leur place dans la société. Je rappelle donc que pour la période considérée, la Guadeloupe et la Martinique étaient encore des colonies qui ne deviennent départements qu'à partir de 1946. Dans la première moitié du XXe siècle, si la question de l'égalité des sexes dans l'accès à l'instruction publique provoquait encore quelques réticences, celle de l'égalité de l'enseignement pour les deux sexes, ou la question de la coéducation, restait des sujets sensibles. De toute évidence, la question de l'utilité de l'enseignement secondaire féminin et de ses retombées dans l'organisation familiale et sociale s'avérait problématique. Lors des discours de distribution de prix, l'orateur, presque toujours un homme, issu de l'élite culturelle ou des plus hautes instances de l'administration coloniale, était investi du pouvoir de rappeler aux jeunes filles la place qui leur était assignée dans la société. Dans la société coloniale, la femme était victime, semblait victime, de cette collusion entre patriarcat et colonialisme. Les femmes n'avaient pas autorité pour prendre la parole sur des questions sociales et politiques où elles étaient impliquées. Elles apparaissaient donc en tant qu'objet de discours et rarement leur sujet. J'ai donc voulu comparer deux discours. D'un côté, celui que les hommes tiennent sur les femmes, comme il transparaît dans les discours de distribution de prix, et de l'autre, celui d'un groupe de femmes sur leurs conditions à travers la presse. Pour ce faire, j'ai utilisé un corpus de 51 discours de distribution de prix sur une période allant de 1905 à 1921. Dans ce corpus, j'ai examiné en priorité 16 discours prononcés dans des établissements secondaires de jeunes filles, notamment le cours secondaire de Pointe-à-Pitre et le pensionnat colonial de Fort-de-France, car ces discours permettent de mieux comprendre la place qu'on réservait aux jeunes filles dans la société. Ces établissements secondaires féminins pratiquaient une certaine sélection sociale, car l'enseignement qu'ils dispensaient n'était pas gratuit. La comparaison avec les discours prononcés dans les écoles communales de filles a permis d'étayer la thèse du lien entre classe sociale et conformisme. Pour mettre en évidence également le processus de construction des genres par l'apprentissage des rôles, il a semblé pertinent de comparer ce même corpus à celui des discours de distribution de prix dans les lycées de garçons. Enfin, de notre côté, le témoignage des femmes sur leur place dans la société a été recueilli à travers deux journaux féminins de Guadeloupe, le journal Pointe-à-Pitre, 1911-1912, et l'autre journal, l'Écho de Pointe-à-Pitre, 1918-1921, et également à travers des articles écrits par des femmes dans certains journaux. Je précise donc que dans ces journaux, seul le prénom ou le pseudonyme apparaissait, seul le prénom de ces femmes apparaissait, signe d'une entrée timide dans les organes de presse. L'emploi de pseudonyme offrait sans doute une plus grande liberté de parole. Ces discours permettent donc de voir comment l'école participait à la construction des rôles sociaux et en donnait une résonance dans la sphère publique. À travers l'école, on déterminait la place de la femme dans la société par le biais d'un enseignement adapté à sa condition et on légitimait cette place, notamment à travers les discours de distribution de prix. Ces discours de distribution de prix donnaient lieu à des cérémonies officielles qui rassemblaient toutes les composantes de la société coloniale qui légitimaient l'école comme force de cohésion sociale. L'école participait au façonnement des esprits et reflétait les rapports sociaux de sexe déjà établis. Si les travaux des chercheurs ont mis en lumière le processus d'assimilation à l'œuvre dans les sociétés coloniales et auxquelles participait activement l'école, ils ont moins insisté sur son rôle dans la construction des rôles sexués dans ces sociétés. Les discours de distribution de prix proposaient donc une hiérarchisation des sexes dans des espaces soigneusement délimités, aux hommes la sphère publique et aux femmes la sphère privée. Les conseils prodigués aux jeunes filles avaient un double objectif. Leur expliquer le but de leur instruction, devenir de parfaites épouses, de parfaites mères, ménagères, et mettre en avant les vertus féminines pour qu'elles remplissent ce rôle. Ces discours peuvent sembler donc paradoxaux. Ils plaident à la fois pour une reconnaissance de l'égalité des sexes, tout en proclamant leurs différences, ce qui conduit finalement à la construction de rôles sociaux distincts. Par des procédés de séduction, ils rappellent l'éternel féminin et le rôle social des femmes dans la gestion du ménage et l'éducation des enfants. Ils insistent également sur la nécessité de l'instruction des femmes pour en faire des acteurs sociaux, mais confinés au foyer. Ils proclament l'avènement de la femme moderne en conservant les préceptes anciens. Il n'y a donc pas d'opposition entre tradition et modernité, mais une juxtaposition. Et on pourrait même questionner cette notion de rôle traditionnel ou de tradition sur laquelle les orateurs s'appuient pour légitimer leur discours, car ils offrent une vision plus ou moins bourgeoise de la famille, en décalage certes, ou sans doute, avec une société sortie il y a à peine 60 ans du joug de l'esclavage et qui est en pleine reconstruction. Les femmes bourgeoises, plus que les filles du peuple, hein, c'est comme ça en général qu'on retrouve dénominations dans le journal ou dans les discours de distribution de prix, ces femmes bourgeoises étaient reléguées dans la sphère privée par peur sans doute que leur instruction ne les mette en concurrence avec les hommes. L'idée d'une masculinisation des femmes était insupportable. On craignait que la femme instruite perde ses attributs féminins, c'est-à-dire sa grâce, sa beauté, etc. Contrairement au discours dans les établissements secondaires féminins, les orateurs des distributions de prix dans les écoles communales de filles insistaient non point sur la beauté des filles, mais plutôt sur le courage dont elles devaient faire preuve dans leur futur métier, notamment domestique, employé, etc. La particularité des discours à l'attention des garçons des établissements secondaires repose sur l'absence de référence aux femmes. Alors que la femme n'était définie que par rapport à ses devoirs envers l'homme, à son rôle à ses côtés, les orateurs insistaient rarement sur les qualités que les jeunes hommes devaient avoir pour être de bons pères ou de bons époux. Ils les écartaient ainsi de l'affectif ou de tout ce qui pouvait du moins renvoyer à la sphère privée. Par rapport à la Martinique, en Guadeloupe, les discours abordaient la question du féminisme et amorçaient une certaine ouverture sur la question. Le ton plus engagé et progressiste de certains orateurs indique que les hommes n'avaient pas une position unanime sur la question. Les femmes également sortaient de la catégorie d'objets, des discours, pour parler d'elles-mêmes. Donc, malgré ce façonnement opéré depuis l'école, l'instruction permit aux femmes d'amorcer une timide entrée dans la sphère publique, comme l'atteste donc la création de ces deux journaux féminins en Guadeloupe et les débats novateurs sur la condition féminine. À travers ces deux journaux, ce groupe de femmes vont bousculer les conventions imposées par les hommes, c'est-à-dire la division public-privé et les rôles sociaux attribués. La sphère privée et publique apparaissent donc comme des univers perméables. Dans le journal Pointe-à-Pitre, par exemple, 1911-1912, même si les rédactrices ne remettaient pas en question les rôles traditionnels, le journal leur fournissait une tribune pour dénoncer l'assujettissement des femmes dans la sphère privée et questionner également les relations femmes-hommes dans une société coloniale où elles se sentaient oubliées des lois. Dans ce même journal, Pointe-à-Pitre, elle dénonçait les réticences à l'égard de l'instruction féminine. Je cite notamment un passage. Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. La coutume et le caprice des mères y décident souvent de tout. On suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instruction. L'éducation des garçons passe pour une des principales affaires par rapport au bien public. Pour les filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes. La curiosité les rend vaines et précieuses. Il suffit qu'elles sachent gouverner un jour leur ménage et obéir à leur mari sans raisonner. Dans ce journal également, certaines femmes réfutaient l'idée d'une différence physique naturelle entre hommes et femmes qui justifierait que les femmes ne puissent occuper les mêmes fonctions que les hommes. Alors je cite notamment un passage. Nous sommes faibles, dites-vous, trop faibles pour supporter les fatigues de certains métiers. Mais vous vous trompez. De bonne foi, je veux bien le croire. Vous reprenez contre nous un argument traditionnel qui a déjà fait son temps et contre lequel nous protestons hautement. Nous ne sommes pas plus faibles que vous, mettez-vous bien ça dans l'esprit. La nature n'a pas établi entre nous cette différence, comme vous le répétez trop souvent. Certes, il y a des femmes faibles, j'en conviens, mais que cette faiblesse soit originelle, c'est ce que nous ne pourrons jamais admettre. Parce qu'il y a des hommes rabougris, faibles, sans force et même sans courage, s'ensuit-il, que ce soit là une tare générale à votre sexe, Monsieur Thibaine? Je ne le pense pas. Ne prenez donc pas l'exception pour la règle. Fin de citation. Les collaboratrices de l'Écho de Pointe-à-Pitre revendiquaient des droits politiques pour les femmes, mais ne remettaient pas en question leur devoir d'épouse et de mère. Cette position est une constance dans ce journal, car elle soulignait par là qu'il n'était pas nécessaire de s'éloigner des rôles traditionnels, des devoirs traditionnels, pour jouer un rôle dans la société. En d'autres termes, elles étaient convaincues que l'obtention du droit de vote n'empêcherait pas les femmes d'être de bonnes épouses et de bonnes mères. Et je cite, « Végétant autrefois dans un complet état d'infériorité, elle avait pour unique mission de consoler, d'encourager et de plaire. Ces temps ont bien changé. La société comme le monde a évolué et la femme n'est pas restée en arrière de cette heureuse transformation. Aujourd'hui, elle a une conception plus nette, plus définie du rôle qu'elle doit jouer dans cette société. Il est nécessaire et même indispensable qu'elle s'affranchisse du joug avilissant et parfois dégradant de son maître et seigneur, qu'elle devienne son égale, tant au point de vue moral, matériel et politique. Elle se gardera bien cependant d'oublier ses devoirs d'épouse, de mère, de fille et de sœur. Elle n'hésitait pas à interpeller les hommes, les obligeant à se rendre compte que la soumission de la femme antillaise était en tout similaire à leurs conditions serviles au temps de l'esclavage. Cependant, il n'y a pas une remise en cause radicale des représentations imposées par le patriarcat et ce groupe de femmes ne réussissent pas à faire que leurs revendications résonnent dans la société. Dans cette entreprise de convaincre les hommes de la pertinence de leur lutte, elles mettent de côté, d'une certaine façon, leur subjectivité et adhèrent en quelque sorte à l'idéologie dominante, c'est-à-dire qu'elles deviennent de bonnes mères et de bonnes épouses. Malgré l'émergence des discours féminins sur la question du droit de vote et de la participation politique, on ne peut pas parler d'une évolution globale des représentations collectives sur les femmes. Dans les sociétés coloniales, la prise de parole des femmes était surveillée à tel point que les positions divergentes avec l'opinion dominante pouvaient entraîner la fermeture du journal. C'est ce qui arrive notamment aux deux journaux, Pointe-à-Pitre et l'Écho de Pointe-à-Pitre, qui, à cause de l'hostilité en Guadeloupe de certains lecteurs, obligent ces femmes à mettre fin à cette aventure éditoriale. Donc, dans les débats sur le suffrage féminin, le manque d'instruction des femmes avait souvent été mis en avant comme frein à leur reconnaissance citoyenne. Les discours de distribution de prix montrent que, paradoxalement, le système éducatif tendait à limiter les marges d'action des femmes en les confinant dans cette sphère privée. Je vous remercie. Merci beaucoup.